Confidence de Brigitte Tornaz, de Camille Coller. 24e épisode. Le refus de l'obstacle. Un achat immobilier entraîne une vaste réflexion sur son financement. Une bonne source d'angoisse et de crispation en perspective. Paul et moi avons abordé le problème différemment, on va dire. Bon, est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? Paul, la réunion familiale sur le plan de financement avec les enfants, ça va pas marcher. Léonard, tu peux rester assis. Il faut que chacun y mette du sien, Brigitte. Hein. Alors, Clémentine, tu regardes mon tableau, s'il te plaît. Les économies de la famille, ça te concerne aussi. Hein. Alors, je reprends. Pour nous permettre d'acheter cette magnifique maison, il va falloir qu'on fasse des efforts. Donc, voici là nos dépenses. Mais moi, je préfère l'appartement. Cette maison, elle est moche et elle pue. Ouais, ça schlingue. Chut, c'est... Hey, c'est une odeur de moisi, je vous ai dit qu'elle allait disparaître. Donc, tu peux te concentrer là. Mais Paul, arrête, ça sert à rien, c'est trop compliqué pour eux. Ça va finir par les stresser, ces questions d'argent. Mais ça m'agace cette réaction là. On part sur un achat qui va nous endetter sur des années. C'est quand même pas rien, c'est dingue. En quoi c'est compliqué de réfléchir à un budget? La vie c'est quand même pas papa et maman qui sortent le chéquier tout le temps et tout est réglé. Oui mais là ça les dépasse. Ça les dépasse, Brigitte, là c'est toi là qui bloque. Excuse-moi, hein. Les enfants ils sont capables de comprendre la logique d'un budget familial et les économies qu'il va falloir faire sur... les goûters, par exemple. Ah, parce qu'en plus, on n'aura plus le droit de goûter dans cette maison. Et non. Le pain au chocolat. Mais si, mes chats, mais vous inquiétez pas. Tu vois, Paul, bravo, hein, le résultat, là, tu les angoisses. Mais pas du tout, je les mets face à une réalité économique. Ces décisions, on doit les assumer ensemble et jouer collectif. On n'est pas obligé d'acheter 4 pains au chocolat tous les jours, par exemple. Hein. On peut trouver des solutions beaucoup moins onéreuses. Genre, je sais pas, vas-y, calcule combien tu nous fais économiser avec tes pains au chocolat sur 30 ans. Mais tu sais quoi, Brigitte, là, c'est toi qui fais foirer l'atelier pédagogique. Hein, parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu refuses l'obstacle, ma chérie. Je quoi? Ouais, parfaitement, tu refuses l'obstacle. Tu es comme un canasson au moment de sauter, tu t'arrêtes. Ah ouais, bah merci pour l'image, hein, très élégant. Alors là, j'apprécie devant les enfants, hein, super. Hein, bah dans ces conditions, débrouille-toi. Hein. Tiens, voilà, fais tes petits calculs à la con, mais sans moi. Non, mais Brigitte, oh là là, mais tout de suite, là. Mais attends, mais qu'est-ce que... Oh, elle est susceptible, vous avez vu ça, les enfants? Ah bah bravo, hein, bravo l'esprit d'équipe. Hein. Non, mais j'avoue, attends, les pains au chocolat... J'ai pas dit que ça allait être la disette. J'ai dit qu'il fallait réduire les budgets. Bon, c'était peut-être pas stupide d'associer les enfants à nos grandes décisions. Mais après une journée d'école, faut reconnaître que le moment était mal choisi. On a poursuivi l'exercice la semaine suivante avec le banquier. Bah oui, un crédit, c'est l'autre moyen de financer un achat immobilier quand la réflexion sur le prix du pain au chocolat tourne court. Donc, j'ai toutes les pièces. Je vais procéder à l'analyse de votre dossier pour vous donner une réponse sous peu. Ah, parce que c'est pas automatique, c'est pas sûr que vous nous financiez? Bon, en principe, ça devrait passer, mais on sait jamais. Mais on a un dossier hyper sûr. On a une situation stable, une santé de fer, on fait du sport, on vivra vieux. Mon mari est dans une dynamique complètement ascendante au boulot. Ouais, enfin, encore que ça. Quand je vois nos rythmes de vie, j'aurais plutôt envie de tout plaquer, d'aller élever des chèvres en Ardèche. Ah bon? Ah mais non, mais pas du tout. Il rigole, hein, Paul, c'est une blague entre nous, les chèvres. Hein, Paul? Oui. De toute façon, étant donné la durée du remboursement, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir planter mon boulot pour aller vivre peinard à la campagne. Parce que vous y songez? Oui et non. Avec la crise en ce moment, de toute façon, c'est plan social sur plan social. Et personne n'est irremplaçable. Sauf mon mari, Paul, tu es irremplaçable. Bon, allez, on va pas s'éterniser. Je vous laisse me rappeler. Eh bien, vous n'avez pas d'autres questions? Si, moi j'en ai une, moi. J'ai lu vos clauses d'assurance, là, en caractère 4, pour que personne ne les lise, tout en bas, en tout petit. Sur le parachute. En gros, si je me tue en sautant en parachute, je suis pas assuré? Non, mais enfin, vous faites du parachute? Des sports extrêmes? Non, pas spécialement, mais si je veux en faire, là, et que je me tue, je suis pas assuré, c'est ça? C'est ça. Dans ce cas, faut qu'on réfléchisse. Mais enfin, c'est absurde cette conversation. Tu fais pas de saut en parachute, donc la probabilité que tu te tues en parachute est nulle. Et quand bien même tu sauterais un jour en parachute, la probabilité qu'il s'ouvre pas et que tu te tues est très faible. Mais pas nulle. Non, pas nulle, mais très très très très très très faible. T'as 10 fois plus, voire 1000 fois plus de chances de, je sais pas moi, de te faire écraser par un tractopelle que de mourir en parachute si tu sautes pas en parachute. Votre femme n'a pas tort. Ah, bon. Et alors vous connaissez les statistiques de se faire écraser par un tractopelle? Non. Bon, donc c'est bien ce que je dis, il faut qu'on réfléchisse. J'avoue que la réaction de Paul à la banque m'a scié les bretelles. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ce numéro-là. Paul, mais c'est une blague. Franchement, si on décroche un prêt avec ce que tu viens de raconter, on pourra dire merci Brigitte. C'était un catalogue de toutes les réflexions à pas faire à son banquier. Ouais, non, je suis désolé, ça m'a fait flipper là. M'endetter sur 30 ans, là, ça me fait flipper. Voilà. Non mais tu réalises, T'en auras 67 ans, 67 ans à la fin du crédit. Ah bah oui, oh bah première nouvelle. On peut pas rembourser notre maison en 15 jours. Mais bienvenue dans la vraie vie, Paul Tornade. Ah bah, j'ai l'impression d'acheter une concession au cimetière. Et arrête avec tes angoisses. Hein. Franchement, je me demande des fois si on devrait pas renoncer. Voilà, quand je vois ce qui nous attend là, les travaux, le dossier à la banque, le notaire. Peut-être qu'on n'a pas les épaules, Brigitte. Mais c'est bien toi, ça, hein. Tu trouves cette maison, tu nous fais un cirque pas possible en disant que c'est la maison de tes rêves, blablabla. Je me démène pour rassembler tous les papiers et décrocher un rendez-vous à la banque. Et là, pouf, pouf, oh, Monsieur Tornat se demande si, comme ça, pour sa crise de la quarantaine, il se mettrait pas au sang en parachute. Non, mais attends, tu te fous un peu de la gueule du monde, là. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison, je suis contre flipper comme ça. Bah oui, hein. Ouais. Et tu sais quoi? Quoi? Eh, hey, mais ça, mon petit vieux, ouais. Ça s'appelle le refus de l'obstacle. Ouais. Parfaitement, ouais. C'est le refus de l'obstacle. Ouais, c'est facile. Eh ouais, le refus de l'obstacle. Allez, saute, Paul Tornade, allez. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Franck Molinaro, Samuel et Anna Kajman. Remerciements à Elodie Piat, Bruitage, Sophie Bissante, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Arminde, assistante à la réalisation Lise-Marie Barré, réalisation Cédric aussi.